Le dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre armée, Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a rencontré les enseignants qui se sont installés volontairement dans les écoles annexes aux îles et les écoles de la première ligne du front et des régions reculées pour se faire photographier en souvenir avec eux. À son apparition au terrain de pause, les enseignants l'ont acclamé avec enthousiasme. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a indiqué qu'il est reconnaissant aux enseignants de leur patriotisme, eux qui se dévouent avec la conscience pure digne d'enseignants révolutionnaires responsables de l'avenir du pays et qui se sacrifient sans hésitation pour résoudre les problèmes dont le parti s'inquiète et qu'il désire avec la ferme conviction et la fidélité absolue envers le parti. Et il a appelé toute la société à les honorer et à suivre leur conception de la vie et des générations montantes dignes de révolutionnaires. Il s'est fait ensuite photographier en souvenir avec les enseignants. Y ont figuré aussi Choi Tae-bo, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée et autres cadres responsables du comité central du parti et du secteur de l'enseignement.